De là, il passa en Angleterre, où il se perfectionna dans la science de la construction des vaisseaux. Il repassa en Hollande et vit tout ce qui pouvait tourner à l'avantage de son pays. Enfin, après 2 ans de voyages et de travaux, auxquels nul autre homme que lui n'eût voulu se soumettre, il reparut en Russie, amenant avec lui les arts de l'Europe. Des artisans de toute espèce l'y suivirent en foule. On vit pour la première fois de grands vaisseaux russes sur la mer Noire, dans la Baltique et dans l'océan. Des bâtiments d'une architecture régulière et noble furent élevés au milieu des huttes moscovites. Il établit des collèges, des académies, des imprimeries, des bibliothèques. Les villes furent policées. Les habillements, les coutumes changèrent peu à peu, quoique avec difficulté. Les moscovites connurent par degrés ce que c'est que la société. Les superstitions même furent abolies. La dignité de patriarche fut éteinte. Le tsar se déclara le chef de la religion. Et cette dernière entreprise, qui aurait coûté le trône et la vie à un prince moins absolu, réussit presque sans contradiction et lui assura le succès de toutes les autres nouveautés. Après avoir abaissé un clergé ignorant et barbare, il osa essayer de l'instruire. Et par là même, il risqua de le rendre redoutable. Mais il se croyait assez puissant pour ne le pas craindre.